الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. Mes chers frères, vous savez tous que la chose que souhaite le plus le croyant est qu'il sorte de cette vie d'ici-bas lavé de tout péché, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui multiplie ses actions dans l'au-delà, ses bonnes actions. Or, parmi les sagesses d'Allah, il y a le fait qu'il a placé sur le chemin du croyant des ennemis qui vont lui enjoliver les péchés, qui vont lui rendre à ses yeux ses péchés insignifiants et non préjudiciables. Et en plus de ça, ils vont essayer de l'éloigner de tout bien. Ces ennemis sont l'âme incitatrice au mal, al-shaytan, et les passions. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets concernant cette âme qui incite au mal. Certes, l'âme est incitatrice au mal, sauf pour celui à qui mon Seigneur aura fait miséricorde. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, alors le paradis sera son refuge et sa destination. Concernant Shaitan, les versets sont nombreux. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets. Puisque tu m'as induit en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Concernant les passions, Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion une divinité? Est-ce à toi d'être garant pour lui? Par miséricorde, Allah tabaraka wa ta'ala a mis en place des causes par lesquelles il viendra expier et effacer les péchés de ses serviteurs. Ce sont des paroles et des actes qu'accompliront le serviteur légiféré, stipulé dans le livre d'Allah ou à travers les propos de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces causes, premièrement, le repentir sincère. At-tawbatun nasur. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit de bonnes œuvres. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets. Et ce verset coranique ouvre une porte d'espoir à toute personne qui désespérerait de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Écoutez bien. Dis, ô mes serviteurs, qui avait commis des excès, qui avait commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Ne désespérez pas. C'est pour celui qui se repent à Allah, tabaraka wa ta'ala. Puisque Allah a fait suivre ce verset par un autre, en disant dans le sens des versets, et repentez-vous vers votre Seigneur. Toute personne qui se repent vers Allah, tabaraka wa ta'ala, sincèrement, Allah lui ouvre les portes de sa miséricorde et de son repentir. Deuxième cause par lesquelles Allah efface et expie les péchés de ses serviteurs, l'imploration du pardon, al-istighfar. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets. Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux, et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'ils implorent le pardon d'Allah. L'imam Abu Dawud a rapporté par une chaîne de transmission authentique, d'après la version de Zayd ibn Haritha radiallahu anhu, que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dira Astaghfirullah, c'est-à-dire j'implore le pardon d'Allah, le seul endroit d'être adoré, lui le vivant, celui qui subsiste par lui-même et celui dont les créatures ont besoin de lui pour subsister, je me repens à lui, celui-là, celui qui dira cette formulation, verra tous ses péchés pardonnés, même s'il avait fui au combat. Vous savez tous que la fuite au combat est un des graves péchés. La personne qui fera cette formule ou qui dira cette formulation verra tous ses péchés pardonnés, même celui-ci. Inna Allah ghafurur rahim. Troisième chose, les bonnes actions. Car la bonne action aura 10 fois sa valeur alors que la mauvaise action ne sera comptabilisée que par sa valeur. Malheur à toute personne qui verra ses mauvaises actions prendre le dessus sur ses bonnes actions le jour du jugement. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. L'imam Tirmidhi a rapporté dans son Sunan d'après la version de Mu'az ibn Jabal et Abi Dharr, que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, fais suivre la mauvaise action par une bonne action et elle l'effacera. Et fais preuve d'une haute moralité et d'un bon comportement envers les gens. Quatrième chose, les épreuves et les calamités. L'imam muslim a rapporté, d'après Abi Huraira, que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, dès lors que le verset coranique suivant a été révélé, quiconque fera un mal sera rétribué pour ceci. Alors ceci pesa lourd sur les compagnons du prophète. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rassurés en leur disant, faites du mieux que vous pouvez et essayez de faire les choses correctement de ce qui vous est demandé. Et sachez que chaque épreuve, chaque catastrophe, chaque calamité qui touche le croyant viendra comme une expiation de ses péchés, ne serait-ce que par une épine venant le piquer. Cinquièmement, l'invocation des croyants pour lui et l'imploration du pardon d'Allah en sa faveur, qu'il soit mort ou vivant. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets, et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets dans le cœur aucune rancœur pour ceux qui ont cru, Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Allah dit aussi tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets, Seigneur, pardonne-moi et à mes pères et mères et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyants et croyantes, et ne fais croître les injustes qu'en perdition. Ce sont des choses importantes, desquelles on ne pense pas assez souvent. Implorer le pardon d'Allah pour ses frères. Sixième chose, dédier une récompense de certaines aumônes ou d'un hajj ou autre à un mort. Ceci est légiféré dans la religion. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari a rapporté de Aïcha qu'un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que cet homme était Sa'd ibn Ubad. Il est venu voir le prophète et il a dit, « Ya Rasulallah, ma mère est morte subitement. Elle n'a pas eu le temps de faire un testament. Or, je suis presque sûr que si elle avait eu le temps de le faire, elle aurait fait aumône de ses biens. Est-ce qu'elle aura une récompense si je fais aumône à sa place ?» Et le prophète de répondre, « Oui. » On voit bien à travers ce hadith authentique que la personne peut faire aumône pour un mort et le gratifier de récompense. Septièmement, les châtiments de la tombe. Les châtiments de la tombe viendront purifier la personne des péchés afin qu'il se présente devant Allah tabaraka wa ta'ala pur et lavé de tous ses péchés. Ceci est une miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, bien qu'il y ait un châtiment, puisque le châtiment de la tombe est beaucoup moins conséquent que le châtiment dans l'au-delà. Si châtiment il doit y avoir, il vaudrait mieux qu'il soit châtié dans la tombe plutôt qu'il soit châtié dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Huitièmement, le règlement des comptes le jour du jugement entre les gens. À cet effet, l'imam al-Bukhari rapporte, d'après la version d'Abi Sa'id ibn al-Khudri radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, les croyants seront délivrés de l'enfer. Ils seront immobilisés sur un pont placé entre le paradis et l'enfer. C'est là qu'ils régleront par la compensation les méfaits qu'ils ont commis auparavant les uns contre les autres. Quand ils auront réglé leur compte et qu'ils seront purifiés, on leur permettra de rentrer au paradis. Je jure, par celui qui tient l'âme de Mohammed en sa main, chacun d'eux trouvera plus facilement sa place dans le paradis qu'il ne trouve le chemin de sa demeure dans ce monde d'ici-bas. Neuvièmement, l'intercession des intercesseurs, l'intercession du prophète, l'intercession des anges, l'intercession du Coran, l'intercession des gens vertueux, l'intercession des parents pour leurs enfants, l'intercession des enfants pieux pour leurs parents. Toutes les intercessions qui sont légiférées et rapportées dans les textes authentiques. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les anges vont intercéder, les prophètes vont intercéder, les vertueux vont intercéder, et il ne restera que le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ceci est la dixième cause. Et c'est la plus grande. Le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa clémence. Qu'est-ce qui empêche Allah tabaraka wa ta'ala de te pardonner quand bien même tu n'as pas rempli toutes ces causes? Qu'est-ce qui l'empêche de te pardonner et de t'introduire sous sa miséricorde? Allah pardonne à qui il veut en dessous du shirk. Sur la base de ceci, et ça c'est quelque chose de très important, barakallahu fikoum, il est strictement interdit de témoigner pour une personne précise le paradis ou l'enfer en disant un tel il ira au paradis ou un tel il ira en enfer. Sauf si on a une preuve tirée du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme les 10 élus du paradis cités par le prophète nommément Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha ibn Ubaydillah, Zubair ibn Awam et les autres. Tout cela, le prophète a témoigné pour eux du paradis. Dans ce cas, il n'y a aucun mal. Par contre, en dehors de ceux qui n'ont pas été stipulés comme faisant partie des gens du paradis dans les textes religieux, il est interdit de les déclarer ou de témoigner pour eux le paradis. À plus forte raison de témoigner pour eux l'enfer. Sauf si on a un texte. Comme Pharaon, Abu Lahab, Haman, Abu Jahl et les autres. Cela, il n'y a aucun problème. Les textes sont clairs sur le fait qu'ils s'éterniseront en enfer. Ama de dire à une personne, quand bien même c'est un pervers de première classe, de lui dire, toi tu iras au feu de l'enfer, ceci c'est un grave péché. Ceci fait partie des graves péchés. Et à cet effet, j'ai voulu vous ramener le hadith authentique. Un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh l'Albani. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, deux hommes des enfants d'Israël étaient liés par la fraternité. L'un d'entre eux était un grand pécheur, un désobéissant, alors que le second était endurant dans les actes d'adoration. Un homme vertueux. Celui qui était vertueux ne cessait de voir son compagnon dans les péchés, et à chaque fois de lui dire, arrête, abstiens-toi de faire les péchés. Un jour, cet homme vertueux a vu son frère commettre un péché. Il lui a dit, arrête, abstiens-toi de faire ces péchés. Et le deuxième de répondre, ceci est entre moi et mon Seigneur. Es-tu envoyé à moi pour me surveiller? Alors le premier lui a dit, par Allah, Allah ne te pardonnera jamais. Ou bien, Allah ne te permettra jamais de rentrer au paradis. Voilà la phrase qu'il lui a dite. Allah tabaraka wa ta'ala fit mourir ces deux personnes. Puis ils comparurent devant leur Seigneur. Allah dit alors à celui qui était vertueux, es-tu plus savant que moi? Ou bien possèdes-tu ce qui est en mon pouvoir? Allah dit au pécheur, pars et entre au paradis par ma miséricorde. Puis Allah dit à celui qui avait proféré ces paroles et qui était vertueux dans cette vie d'ici-bas. Il lui a dit, emmenez-le dans le feu de l'enfer. Abu Huraira dit à cet effet, par celui qui possède mon âme entre ses mains, il a prononcé une parole qui a causé la perte de sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. As-salamu alayhi wa sallam wa ta'ala. أن يثبتنا على الحق ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار بفضله وكرمه إنه العزيز الغفار ونسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم